bras, groupé des gros, groupé des vins. Des vieilles toutes cassées, aux marmots débiles, tous caillassés jusqu'au bord des villes, les commis du roi. Sous les rouges, les crânes rasés, sous les jolies chemises noires, on est venu tout baiser. Banque, préfecture et radar, range ta mère, on va l'écraser. Sous les grosses roues d'un de notre programme terrorisé, le vieux port jusqu'aux Champs-Élysées.